ouvert les portes de mon cœur. Tu t'es barré à clic-clic sans pour autant me dire au revoir. Là je me pose 10 000 questions dans ma tête. Est-ce que vraiment tu m'aimais? Bah ça reste à voir. Le soleil brille comme de l'or, mais à force d'y t'approcher, et bah tu te crames le cœur. Yangi Wittel, ce meilleur. Fatting the need to me di gon li di me ge to kinna sama helman waruna ya kada sama khalbi yemuna to kinna sama helman waruna ya kada sama khal man mala ki sakene nas mun bakel ta fafor sama khalbi ya chi fest el tripor bobor ta fameni Tu dois à sa cor et désir son ressort donne le peu de rectacor. Peu que somo colbi à tinegu baby girl. Non, le rectacor. Vos sources étaient, me dis que tu vis la halat somo colbi de frigide. Non, somo yai ningi lay glide. Somo non, yungi me. Duante ya manki ci sama dundu bi moy wax mo fo nek ma jël ci la ya wara nek sama dul ci ne sonu na tayna ma na wa li ma jottu ketu moy manki alucine to kenna sama herman waruna ya nata sama khalbi sama helman waruna ya nada sama khar man mal